Et j'ai vu San Francisco Bridge rallier l'univers en deux rives. Oui, quand j'ai vu San Francisco, ma ville est morte dans mon dos. Protégé par de grands murs gris, une église et des pharmacies. America, America, America, America. Hier encore, j'étais tranquille, tout seul au centre d'une ville. J'avais de la buée plein les yeux, j'allais être un jeune homme sérieux. America, America. J'ai vu San Francisco Bridge rallier l'univers en deux rives. Oui, quand j'ai vu San Francisco, ma ville est morte dans mon dos. Des voitures immenses, des murs en verre, des maisons blanches. Ils avaient des cheveux partout, des filles qu'on suivrait à genoux. America, America, America, America. Autour de moi tout grandissait, je ne savais plus qui j'étais. Les flics étaient de vrais géants, je voulais partir en courant. America, America, America, America. Aujourd'hui, sur San Francisco Bridge, je vois l'univers.